Sud ni au Mungere. Merci d'avoir choisi la radio Sanganiro. Bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Les habitants de la colline Rukere en commune Kamalore, nous sommes dans la province Kayanza, plaidé pour la réouverture des frontières burundo-rwandaises. Ils disent enregistrer des pertes énormes alors que durant les derniers jours, les Rwandais s'approvisionnaient en marchandises centrées. Si c'est sur la même colline, nous aurons les détails avec Patrick Saint-Guyumba. Deux personnes sont mortes et 30 autres grièvement blessées dans un accident de roulage survenu ce vendredi, non loin du centre Kigama, en commune Songa de la province Bururi. L'excès de vitesse et le mauvais chargement seraient à l'origine de cette tragédie. Et après différentes destitutions de certains chefs de zone ou collines, dans cette édition, Mireille Kanyang nous fera le point avec les articles de raison code électoral et loi communale sur la procédure de destitution de ces administratifs. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certaines femmes de la colline Mugendo en commune Nega de la province Kirundo dénoncent l'inertie de l'administration collinaire dans l'exécution des jugements des procès des conflits conjugaux, surtout en rapport avec la polygamie. Elles demandent à l'administration de s'activer pour éviter des cas d'insécurité. Lors d'une réunion tenue jeudi par le gouverneur de Kirundo à l'intention de la population de la zone Mugendo, le colonel Victor Segasabo appelle ses femmes à se confier aux administrateurs communaux si le conseil collinaire n'accomplit pas correctement sa mission. Le point avec Agnès Namagadze depuis Kirundo. Ces femmes de la colline Mugendo ont présenté leurs doléances au gouverneur de la province Kirundo où ils ont souligné maintes difficultés qu'elles rencontrent au cours des procès qui les opposent avec leur époux. Parmi ces problèmes présentés au gouverneur figure aussi le problème du manque d'appui de l'administration à la sous-colline et à la colline de ne pas mettre en exécution les décisions des tribunaux sur les conflits avec les époux en cas de polygamie. Ces femmes demandent à l'administration de contribuer dans la mise en exécution de ces décisions pour éviter des cas d'insécurité parce que à côté de la polygamie, elles courent le risque d'être tuées. Ces femmes soulignent qu'elles ne peuvent pas abandonner de réclamer les biens de leur famille parce qu'elles ont des enfants à charge. Le gouverneur de la province Kirundo, colonel Victor Segasago, interpelle ces femmes d'informer l'administrateur à tout moment qu'elles constatent que l'administration collinaire ne répond pas à leurs doléances et si au niveau collinaire et au niveau de la commune, elles ne sont pas satisfaites d'acheminer leurs doléances au niveau de la province. Selon le gouverneur, chaque fois qu'il y a de l'insécurité dans des foyers, ça occasionne le manque de développement. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze. Deux chefs de colline en zone Mulima de la commune province de Kayanza ont été démis de leur fonction de premier crédit par l'administrateur de la même commune. C'est après que les habitants de cette colline grognent que ces élus collinaires sont caractérisés par certains comportements indignes, tandis que quatre chefs de zone en province Ngozi ont été limogés dans en délai ne dépassant pas un mois par les administrateurs, les administratifs de cette province. Au cours d'une réunion jeudi avec le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, évoque le concubinage et la fraude comme raison de cette destitution. Et la déchéance d'un membre du conseil collinaire ou du quartier est prononcée par l'administrateur communal en cas de manquement grave et après avis du conseil communal. C'est du moins ce que précise le code électoral de 2019. S'agissant d'un chef de zone, il est démis de ses fonctions lorsque le conseil communal le décide en majorité de 2/3, comme le prévoit la loi organique de 2020 portant organisation de l'administration communale. Les détails avec Mireille Kanyang. Le chef de zone peut être destitué de ses fonctions lorsque le conseil communal le décide à majorité des 2/3, comme le prévoit l'article 60 de la loi portant organisation de l'administration communale. Il ressort des dispositions de ces articles que le chef de zone est nommé par le gouverneur de province ou le maire sur proposition de l'administrateur communal après avis du conseil communal. Il est choisi parmi les citoyens natifs actifs ou résidents de la zone. Les citoyens résidents doivent avoir une ancienneté d'au moins 3 ans dans la zone. Quant au mandat d'un membre du conseil de colline ou de quartier, il prend fin par déchéance prononcée par l'administrateur communal en cas de manquement grave et après avis du conseil communal. Cela est prévu par la loi organique de 2020 portant organisation de l'administration communale en son article 47. Les précisions sur ce qui concerne la fin du mandat d'un membre du conseil de colline sont contenues dans le code électoral de 2019. Comme le stipule l'article 179, le mandat du conseiller de colline ou de quartier prend fin à l'expiration d'un délai de 5 ans. Il peut prendre fin avant son terme normal par suite de décès, de démission, d'inaptitude physique, d'incapacité permanente, de manquement grave, de déchéance consécutive à la perte d'une condition d'éligibilité ou à la survenance d'une cause d'inéligibilité constatée par le conseil communal. En cas de manquement grave, le conseil communal doit délibérer et se prononcer sur les accusations portées à l'encontre de l'intéressé avant sa révocation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition par cette page sécurité. 2 personnes sont mortes et 30 autres grièvement blessées dans un accident de roulage d'un camion de type Fuso qui s'est renversé le soir de ce vendredi, non loin du centre Kigama, en commune Songa de la province de Bururi. L'excès de vitesse et le mauvais chargement seraient à l'origine de cet accident, selon les sources policières. Juvanda Ikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, qui s'est rendu sur les lieux du drame, appelle les conducteurs des véhicules à respecter le code de la circulation routière. Zeno Nzambiman. Ce véhicule de type Fuso s'est renversé dans la localité de Kayange sur la colline Kigama en commune Songa de la province de Bururi sur la route nationale numéro 16 Bururi-Mawa. C'était ce vendredi aux environs de 17h30 selon les sources sur place. 2 personnes mortes sur le champ, 2 dont leurs bras ont été cassés, une autre dont son poignet a été également cassé, 26 personnes grièvement blessées et 6 autres légèrement blessées. C'est le bilan de cet accident de roulage qui s'est produit dans cette localité. Les blessés ont été vite évacués vers les hôpitaux de Matana et Bururi, d'autres vers le centre de santé de Kigama, selon les autorités administratives, policières et la population qui sont arrivées sur les lieux sans tarder pour secourir les victimes. Les mêmes sources disent que ce véhicule transportait des pommes de terre et plus de 50 personnes employées dans un multiplicateur de semences et provenaient des travaux champêtres qui consistaient à récolter ces pommes de terre dans la localité de Kalimbi, en commune et province de Bururi. L'excès de vitesse et le mauvais chargement, selon la police de roulage, seraient parmi les causes de cet accident. Jivanda Ikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, qui est arrivé sur le lieu, exprime ses condoléances aux familles éprouvées et appelle les conducteurs des véhicules assurant le transport à respecter le code de la route en évitant surtout l'excès de vitesse et le transport des biens et des personnes dans un même véhicule afin de limiter ces cas d'accident qui s'observent ces jours-ci, surtout dans cette nouvelle route goudronnée. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Et les habitants de la colline Rukere en commune Kabarole de la province Kayanza disent enregistrer une perte énorme à cause de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Expliqua que ces derniers jours, les Rwandais s'approvisionnaient en marchandises au centre Gwesero, situé sur la même colline. Ils demandent la réouverture de frontières. Saguye Berkimans, administrateur communal de Kabarole, ne convergeait pas avec ses dirigeants. Lui, il trouvait que la fermeture des frontières protège la production agricole contre la fraude. Une information que nous devons à notre correspondant Patrick Nsengiyumva depuis Kayanza. Le centre de négoce Gwesero se trouve à la colline Rukere en zone Lugazi de la province Kayanza. Lors de notre passage à ce centre, le mouvement des acheteurs ne se remarquait pas. Et d'ailleurs, certains des magasins à ce centre étaient fermés. Interroger la population à Rukere et surtout les commerçants de certains produits, ils nous ont fait savoir que ces derniers jours, avant la fermeture des frontières burundo-rwandaises, les Rwandais s'approvisionnaient en marchandises à ce centre Gwesero et qu'ils apportaient eux aussi différents produits alimentaires, comme surtout la patate plantes douces et le manioc. Ils disent qu'ils enregistrent une énorme perte aujourd'hui où les frontières entre le Burundi et le Rwanda sont fermées. D'autres habitants Rukele déplorent que la circulation des personnes entre les deux pays n'est plus possible. Ils indiquent que celui qui tente de franchir la frontière pour rendre visite aux membres de sa famille est assimilé à un malfaiteur et que même ses biens sont saisis. Il demande la réouverture des frontières. La population à Rukele en zone Lugazi de la commune Kabarole demande la réouverture des frontières. L'administration communale Kabarole ne converge pas avec la population à Rukele que le fait que les Rwandais ne s'approvisionnent pas en marchandises au centre Weselo est une perte pour les habitants particuliers et la commune en général. Saguyevere Kimasi, l'administrateur communal Kabarole, trouve plutôt que la fermeture des frontières burundo-rwandaises permettra la protection de la production agricole de la population. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le ministère burundais de la Défense nationale dit avoir renforcé la sécurité sur les frontières burundo-congolaises, surtout après la récente attaque sur la colline Vugizo de la zone Gatumba en province Bujumbura. Alain Tribert Mutabazi l'a annoncé ce vendredi lors de la présentation des résultats de son ministère pour le second trimestre de l'année budgétaire 2023-2024. Il a déclaré que la permanence réhabilité des frontières profite aux malfaiteurs, mais que tout de même les forces de l'ordre doivent rester vigilantes. Suivez le ministre Alain Tribert Mutabazi, traduit en français par Alain Désiré Boukéenet. Nous voulons que Ahougo, abasirikare bitanga gose kuko yabatitanga. Je dirais plutôt que les militaires se sacrifient parce que, vous savez, les groupes de terroristes, que ce soit burundais ou étrangers, sont partout. C'est surtout à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière burundo-congolaise. Vous comprenez que les malfaiteurs ont la facilité d'infiltration car les frontières sont ouvertes. C'est pourquoi nous avons essayé de renforcer la sécurité à ce niveau. Mais nous demandons à la population de collaborer et nous renseigner pour que les malfaiteurs ne puissent pas échapper à la vigilance des forces de l'ordre et de la sécurité. Nous lançons également un appel à tous ces groupes armés qu'ils se rendent auprès de l'administration ou aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils soient accueillis et suivis. Leurs cas pourront être étudiés et l'on verra s'ils peuvent être réintégrés dans la société comme cela a été fait pour les autres. N'abandi babihebye cyanye bishikana bagaheza bagasubizwa mu buzima busanzwe. Et grogne des agriculteurs de la province Bubanza suite au retard de la distribution de l'engrais chimique pour la saison culturelle B. Ils expliquent que les jetons ne sont pas rendus disponibles à temps pour permettre la récupération de cet engrais chimique et craignent une mauvaise récolte. Les responsables de l'agriculture et l'élevage à Bubanza rassurent que ces jetons sont en train d'être confectionnés au point avec Espèce Caritas Cabanyan. Les cultivateurs de riz contactés dans la plaine de Kihanga disent qu'ils risquent de ne rien récolter car ils n'ont pas eu l'engrais chimique pour appliquer dans leurs champs qu'ils ont plantés dès le mois de décembre dernier. Ils déplorent l'état de leurs champs, le riz commence à jaunir et visiblement il n'y a pas de croissance pour les plantures selon les mêmes cultivateurs, du moins ceux que nous avons contactés. Ils disent qu'ils gardent sur eux les bordereaux de paiement de l'avance et l'argent pour payer le reste afin de recevoir ces produits fertilisants. Les responsables agricoles contactés ainsi que certains distributeurs d'engrais chimiques confirment que certains riziculteurs sont déjà en retard pour appliquer de l'engrais dans leurs champs, mais ils auront bientôt l'autorisation de payer le reste afin de recevoir les jetons pour avoir l'engrais chimique commandé selon la même source. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomungere. Bonne suite des programmes, mais tout de suite, vous aurez la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Plus d'un millier de fonctionnaires enseignants fictifs révèlent la voix de l'enseignant. En effet, la commission technique du recensement des fonctionnaires enseignants vient de rendre son rapport définitif. Selon Xavier Ngendakoumana, président de cette commission, 80 777 enseignants et personnels de l'administration centrale et déconcentrés ont été recensés. 205 n'ont pas répondu au rendez-vous tandis que 1503 enseignants sont payés alors qu'ils ne sont pas au service. Ce qui laisse à dire à Xavier Ngendakoumana dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation que c'est un risque d'être des fonctionnaires fictifs et fantômes dont les salaires sont régulièrement payés alors qu'ils ne sont pas au service. De son côté, poursuit son confrère, Datus Nyandwi, chef de cabinet à la primature de la République du Burundi, estime que la commission a fait un travail louable qui doit inspirer les autres services de l'État à faire un recensement de son personnel pour connaître réellement ceux qui sont au service et ceux qui sont payés alors qu'ils n'exercent plus. Pour lui, souligne encore la voix de l'enseignant, la première mesure est de suspendre les salaires de ces 1503 fonctionnaires recensés comme fictifs. Ainsi, ceux qui sont en ordre vont le signaler pour une correction quelconque. La prison de Bururi a un taux d'occupation de 184%, rapporte Net Press, qui, citant des sources proches de la prison, indique que cette prison héberge 301 détenus préventivement, dont 279 hommes et 22 femmes, au moment où l'effectif total des détenus de cette prison est de 460 personnes, alors que sa capacité d'accueil est de 250 détenus, soit un taux d'occupation de 184%. Selon ce quotidien en ligne, les associations de défense des droits de l'homme appellent au désengorgement de cette prison et demandent en outre que les condamnés qui ont déjà purgé le quart de la peine puissent bénéficier des libérations conditionnelles. Revue de la presse. Les pêcheurs et les vendeurs des produits du lac Tanganyika restent préoccupés par les moyens de conservation de leurs produits, écrit l'agence burundaise de presse. C'est au moment où la production du lac Tanganyika dans ces derniers jours a augmenté, surtout les poissons de type Nyamu Nyamu et Mukeke, d'après les pêcheurs rencontrés par son confrère sur le lieu de pêche à Rumonge. Au matin du 16 janvier 2024, un tas de ndagala de type Nyamu Nyamu, suffisant pour une famille, s'achetait à 2000 francs burundais, alors qu'un consommateur disposant d'un billet de 5000 francs bou achetait 5 ou 6 poissons de type Mukeke de taille moyenne. C'est donc une grande joie pour les consommateurs, souligne la BP, mais ces derniers regrettent que la farine leur coûte cher en ces jours-ci. Néanmoins, poursuit son quotidien comme les vendeurs, ces pêcheurs indiquent qu'ils enregistrent souvent des pertes quand la production est grande, à défaut des méthodes modernes de conservation de leurs produits. Ils plaident pour l'obtention des équipements pouvant les aider à bien conserver les poissons frais pendant une longue durée. Certains vendeurs préfèrent d'ailleurs faire le séchage des poissons non achetés pour être vendus ultérieurement, note l'agence burundaise de presse. Burundi Echo rapporte qu'en commune Kigamba de la province Cankuzo, l'agriculture remplace petit à petit la poterie chez les batois de la colline Gwamvura, qui ont constaté que la poterie n'est plus rentable puisque les marmites sont moins chères et sont concurrencées par les ustensiles de cuisine modernes. C'est pour cette raison, explique cet hebdomadaire socio-économique, que ces batois pratiquent l'agriculture pour subvenir à leurs besoins quotidiens. On termine cette revue de presse par le journal Iwachu, qui rapporte qu'à l'Université du Burundi, des lauréats de 2017 n'ont que des attestations de réussite jusqu'à ce jour et pas des diplômes. Cet hebdomadaire précise que ce sont les lauréats de la deuxième promotion du système de baccalauréat du département de langue et littérature française, option communication. Iwachu conclut avoir voulu avoir plus d'éclaircissements auprès du rectorat de l'Université du Burundi et du ministère chargé de l'éducation, sans succès. Et c'est la fin de cette revue de presse, préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.